On retrouve à nouveau l'ami Thibaut pour un nouveau focus dans l'émission de ce soir, et ce qui nous permet également de rentrer dans l'aspect française. Et tout à fait, avec une entrée dans l'aspect française avec quelle originalité du black metal français. Ah bah alors. Non, ça faisait longtemps. Hein. Ah bah oui. Un groupe qui nous vient de Annecy, Deathcote Society, ils se sont formés en 2009. Ils sortent là leur deuxième album pour situer leur style, on va dire, du black metal symphonique dans tout ce que ça signifie. Ils ont sorti donc un premier album en 2015, Eschatonizer, une sortie donc déjà à l'époque chez Osmose Productions. Un premier album grandiose, bien puissant, qui fonctionnait déjà très très bien. Un beau travail de composition, peut-être un manque un petit peu au niveau de la prod, qui manquera un petit peu de patate pour porter, je trouve, le travail de composition qui est vraiment remarquable sur cet album. Donc voilà, l'album est bon, mais il manque le peps d'une production un peu plus massive. Pour vraiment profiter du travail qui a été fait sur cette sortie. Et donc, là, deuxième album, Enlightenment, également donc sorti chez Osmose Productions. On va situer les choses. L'album, il s'oppose clairement pour moi en digne héritier d'Anorexia Nervosa, de ce que ce groupe donc, de black metal symphonique a proposé il y a maintenant... ça fait combien de temps, Anorexia Nervosa? Ça fait une dizaine d'années, peut-être plus. Trop longtemps. Ouais, peut-être plus même. qu'ils ont arrêté, et donc là l'album clairement pour moi se pose comme héritier de ça. Anorexia Nervosa, c'était quelque chose, donc c'est sur cet album également quelque chose de grandiose, de puissant et de saisissant qui se dégage de ça. On a deux membres dans le line-up du groupe Glaciation, donc qui est un groupe de black metal parisien qui est pareil, qui est beaucoup dans quelque chose de grandiose, avec beaucoup de, j'irais presque du black metal littéraire, dans le sens où il y a énormément de références à la littérature, et il y a quelque chose vraiment de noble, de cradingue toujours, qui se dégage du travail de Glaciation. On y retrouve Redmar dans Glaciation, chanteur du groupe Anorexia Nervosa. La boucle est bouclée. Donc on a fait le tour de ce petit monde du black metal symphonique français. Je vous vois perturbé, c'est très bien. C'est bon, je continue ou... Oui, vas-y, je t'en supplie, okay. J'interviendrai après. Au niveau de la pochette, je la trouve vraiment réussie. Ils ont un travail avec une... alors, c'est une Baudroie abyssale qui est dessus. Je trouve la pochette réussie, peut-être même plus réussie que l'album précédent. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Paolo Girardi pour l'un et pour l'autre. Hein. C'est Paolo Girardi qui est dedans, parce que pour moi, c'est pas lui qui est remonté, mais... Bah, sur le premier album, c'est Girardi. Ouais, bah ça doit être lui sur le deuxième aussi. Le premier, non, le premier sûr, mais le second, j'ai un doute. Je l'ai pas relevé, donc j'ai pas vu son nom apparaître. Bon. Alors l'autre a fait des groupes uniquement black. Alors celui qui fait. Alors c'est parce que ouais, c'est un peu le style. Horizon Ablaze, Pantheon One et Sark, un groupe de black. Ouais. Surtout. Mais c'est vrai que la plume, la patte graphique... Le coup de pinceau. Ouais, le coup de pinceau, faudrait faire penser à du Paolo Girardi aussi. Peut-être moins fourmillant de détails. Parce que Girardi a quand même un style qui est très très détaillé dans ce qu'il propose. Et là, c'est peut-être plus brut dans le dessin. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Donc, comme je disais, un album qui est vraiment qui se veut encore plus grandiose, encore plus puissant, encore mieux enregistré dans ce qu'il propose. Pour moi, une version donc améliorée de l'album sorti il y a déjà 8 ans. Un travail qui a porté ses fruits, un travail de composition qui est toujours aussi remarquable. Et comme je disais, une production qui met réellement en valeur ce travail. Dans les petites choses que je vais reprocher au groupe, globalement, c'est que pour moi, les morceaux chantés, il y a des morceaux chantés en français, des morceaux chantés en anglais, des passages en français, des passages en anglais dans les morceaux. Les passages en français sont... mille fois plus grandiose et plus puissant que les passages en anglais. Le français, pour moi, dans le black metal, il apporte toujours cette espèce de petit paradoxe de quelque chose de à la fois grandiose, noble, et à la fois terreux et cradingue. T'as un espèce d'équilibre qui se fait autour de ça, et je trouve que la langue française dans le black metal porte quelque chose que... Bah, c'est carrément plus poétique, surtout vraiment dans la manière dont est fait le black metal français. Ouais, ah ouais. Et du coup... Il y a l'excellent morceau, on l'a diffusé il y a quelques semaines, le morceau La Nuée, qui est incroyable dans l'album. Il porte vraiment un truc qui te soulève les tripes. Il est chanté majoritairement en français avec quelque chose de scandé, et je trouve que voilà, ces passages sont plus brillant que les passages en anglais, parce que ben, ne serait-ce qu'en termes de diction, je pense que t'es limité au niveau de ta diction, t'as beaucoup moins d'aisance au niveau de ton articulation de ta mâchoire pour chanter quelque chose de plus d'aussi puissant dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Et puis, ouais, autant alterner d'un morceau à l'autre en anglais, en français, ok, mais au sein du même morceau, ça crée forcément des espèces de dissonances, mais pas forcément positives. Ouais, t'as des ruptures, à l'écoute. En fait. Tout à fait. J'ai eu la chance de les voir en... Alors, je n'ai plus l'année 2017 ou 2018, on les a aperçus sous une tente au Hellfest. Aperçu plus que ça, parce qu'on a passé... Enfin, moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment devant le groupe. Il tenait bien la scène, donc j'ai hâte de voir ce nouvel effort être défendu sur scène. Voilà. Pour moi, c'est bon. Et bah, là, très si bien. T'avais des petites... Oui. Bah, dans l'approche musicale, donc, tu cites justement Anorexia Nervosa, et même du coup sur l'apport symphonique, ce côté un peu grandiose, dérangé des vieux albums de Dimmu Borgir, parce que je trouve qu'il y a une grosse inspiration, une grosse connotation norvégienne dans leur Black Sympho, et on est sur le Black Sympho vraiment sale, et pas le tout propre trop lisse qu'on retrouve à l'heure actuelle trop souvent encore. Enlightenment, nouvel effort studio donc de Descott Society, et on va s'écouter le titre Mazed Interior, et c'est sorti fin novembre chez Osmose Productions. C'est parti. Man! because it's haunting. On continue dans l'aspect française avec une doublette à venir, avec tout d'abord une petite fessée venue de Valenciennes, qu'on a eu largement l'occasion d'apprécier hier soir dans le cadre de la dernière édition, alors dernière parce que c'est la dernière en date, hein, pas la dernière parce qu'il n'y en aura plus, édition du Winter Rip, propulsé par Riposte Asso, Embrace Your Punishment, au passage qui nous sort un très très bon Made of Stone, troisième effort studio qui voit le jour chez Lacerated Enemy Records. Ce nouvel effort studio de Embrace Your Punishment, il est inspiré, il est puissant, très bien enregistré, très bien exécuté, un petit artwork plutôt cool, et sur scène ça déboîte, toujours aussi efficace le quatuor, et puis un album extrêmement riche, avec des petits guests bien quali. Je me suis vraiment pris un pied phénoménal sur la piste où il y a Kirk Weinstein au micro, hein, le titre de l'album Made of Stone, voilà, le chant de Weinstein sur la musique de Embrace Your Punishment, ça passe super bien, voilà. Above Creation, le titre qu'on va s'écouter tout de suite, et juste après ça, Pénitence Onirique, qui sera d'ailleurs de passage à Orléans au tout début de l'année prochaine, au Dropkick Bar de Orléans. Ils nous sortent là leur troisième effort studio, Nature Morte. C'est puissant, c'est prenant, la musique de Pénitence Onirique, hein, on en a parlé les semaines passées. Une sortie chez les Acteurs de l'Ombre, et on s'écoutera le titre Pharmakos. Ah bah heureusement qu'il n'était pas allumé mon micro, je viens de faire un gros rototo. C'est nul. Oui, pardon. 21h29 à la pendule de Radio Béton. On est toujours dans l'émission Hellbanger 2 ce soir. Et on continue l'aspect française, elle est assez généreuse ce soir. Et on part sur une doublette de nouveautés dans l'aspect française. Et du coup, c'est l'ami Sylvain qui s'y colle. Et ça va être les dernières nouveautés de l'année, puisque après ça, il n'y aura plus. Alors on commence avec Destruct, un groupe qui nous vient de Thionville, qui nous fait du heavy speed et qui est mené par une chanteuse. Alors on peut un peu qualifier ça comme une version plus speed d'un meurtrière, parce que voilà, c'est aussi avec une femme au chant depuis peu. Là ils viennent de sortir un EP en autoprod, c'est un groupe qui est suivi notamment par Gates of Hell et Day Victim, donc je pense que dans l'année prochaine on va encore plus en entendre parler, c'est vraiment old school, vraiment très très cool. Donc ça veut dire que Catharsis va les faire jouer dans les 15 mois à venir aux Canadiennes. C'est fort probable. Si le Courts of Chaos les a pas ne le fait pas entre temps, hein, comme on avait eu Meurtrière. Et après Destruct, changement de registre, on va encore diffuser du black français, beaucoup de sorties black de qualité venues de France ces dernières semaines, avec le groupe Obsidienne qui nous vient d'Albi, qui est actif depuis 5 ans à peine, et qui vient déjà de sortir un deuxième album d'un post-black qu'on peut rapprocher d'un The Great Old Ones, hein, c'est très inspiré, bien produit, des compos généreuses qui font entre 7 et 10 minutes. C'est un groupe tout récent, je crois que les membres ne sont pas vraiment actifs dans d'autres trucs connus, et il y a déjà une maturité qui se dégage de leur musique, que j'ai trouvé impressionnante. Et leur concept, en fait, c'est la théorie des anciens astronautes, c'est-à-dire une civilisation extraterrestre qui aurait été en contact avec les premiers humains et pour les aider à se développer notamment. Donc, voilà, c'est une théorie... C'est de la pseudo-science, hein. Ça repose sur pas grand-chose. Un commentaire à faire, Thibaut, peut-être ? Non, c'est bon, tu es sûr ? Ça change un petit peu des grands anciens, du coup, et voilà. C'est très très abouti musicalement. Leur album s'appelle Litany of IA. Et bah, du coup, Destruct, on va s'écouter. Ça va être le morceau Broken Mirror. Et Obsidian, bah, je te laisse. An Ancient Age. Et c'est sorti sur le label français. C'est pour ça que c'est rigolo de savoir qu'ils viennent de Albi. Sur le label français Drowning in Chaos. Récente structure qui nous vient de Saint-Omer. Portée par Flo, vocaliste dans pas mal de projets death français. Et surtout celui qui a porté sa voix sur scène avec les Russes de Relic of Humanity. Et plus récemment, et encore activement à l'heure actuelle, chez Vile, oui oui, le groupe de Brutal Death américain. Voilà, les petites anecdotes. Fierté française, on va dire. Allez, c'est parti, doublette de nouveautés dans l'aspect française. We'll be right back. Azilian, dernier groupe français, pardon, dans l'aspect hexagonal de ce soir. Ils seront en doublette avec une formation venue du Grand Orient. Voilà, pour retourner à la diff internationale. Escarceration d'ailleurs, parce que c'est pas la peine de le dire en espagnol. C'est le nom de leur premier véritable album. Un EP a vu le jour il y a 8 ans. Escarceration, donc premier album studio longue durée pour Azilian. Ça nous vient du Grand Est français. Une sortie sur label France Black Death Grind. On s'écoutera le morceau Perdu dans ma folie. Voilà, du death typiquement français qui tabasse sans renouveler le style. Ça reste correctement fait. Coven Japan, ensuite, formation assez récente. Japonaise, comme son nom l'indique. On est sur du heavy d'inspiration Heavy 80, c'est le premier album studio Earthlings. Grande qualité que nous sortent là les Japonais, une sortie No Remorse. Et on s'écoutera le morceau Land of the Rising Sun. Et juste petite précision, du coup, Coven Japan, c'est une femme au micro. Et là, le morceau qu'on va s'écouter, alors ça sonne énormément comme du Maiden, notamment période Power Slave. Il y a un petit côté ISSI et même ça va être Flesh of the Blade. Voilà, c'est à la fois du heavy anglais et du heavy japonais. C'est fait vraiment très très bien fait. En plus des textes en anglais et en japonais. Donc c'est très très bon. Et donc on s'écoutera le morceau Land of the Rising Sun. C'est du heavy du Commonwealth, quoi. 21h52 à la pendule de Radio Béton, on arrive tranquillement à la fin de l'émission de ce soir. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à vous le noter, on vient de trancher, la rentrée ce sera le dimanche 7 janvier en direct. Qui sait le contenu qu'on vous réservera d'ici là, sachez juste que ce sera de la qualité pour le lancement de cette 15e saison. On retrouve une dernière fois pour cette année 2023, je suis saisi par l'émotion, l'ami Thibaut pour le dernier focus de l'émission de cette année. Est-ce que tu te rappelles quel était le premier focus de cette année? De cette année? Oui. Non. Mauvaise réponse. Je sais pas. Mauvaise réponse. Mais tu vas me le dire parce que t'as tout sous les yeux. C'est pas moi qui m'en occupe des focus. Oui, mais moi je me rappelle pas non plus, je me rappelle pas de ce que j'ai mangé hier soir. Du houmous? Non. Du houmous? Non. Bon. Allez. C'est bon ou t'avais la réponse à la question que tu m'as posée? J'ai fini mon gâteau. Ouais, d'accord. La dissidence commence un peu plus tard cette semaine, ce qui est très agréable. Donc, direction l'Asie pour un groupe qui nous vient de Taïwan. Une formation en 2018 pour le projet Lang. Alors, Lang, je me suis amusé à traduire tout parce que je ne connais rien du tout du chinois. C'est du taïwanais? Non, c'est du chinois. C'est bon? Ouais. Donc, ça veut dire froid, Lang. Ils sortent leur troisième album. C'est un groupe, à l'origine, c'est un projet solo, en fait, qui a été débuté par Yan Gai Tao. Et il a donc monté le projet en solo, et puis après, il a fait rejoindre des membres au fur et à mesure du... Enfin, il a monté un line-up après. Il propose du Black Atmo. C'est un Black Atmo un petit peu atypique. C'est pour ça que le projet m'avait un petit peu... tapé dans l'oreille, on va dire, il y a quelques années quand on l'avait diffusé. Il a créé le projet en fait suite à une expérience un peu négative, on va dire. Il a subi un braquage qui a un peu mal tourné. Il s'est retrouvé dans le coma pendant un bon moment. Il a très très mal vécu son retour à la réalité post-coma et la phase de coma qu'il a décrit comme un endroit au-delà de l'enfer. Donc c'est un petit peu pour suite à ça qu'il a eu besoin d'exprimer son émotion par rapport à ce projet, par rapport à cet événement dans le projet, donc Lang. Il sort un tout premier album. Je vais galérer pour les prononciations, je m'en excuse. J'espère. Hey Yang, qui veut dire océan. Vraiment, je remercie Google Traduction hein, pour qui sponsorise cette chronique. Placement de produits. Exactement. Un album encore très brut, une batterie que je vais trouver trop mécanique. C'est peut-être globalement un reproche que je vais faire à tout le projet de Lang. La batterie, elle sonne un petit peu électronique, un petit peu trop numérique. Et je pense que alors, sur ce premier album, c'est normal. Sur ce premier album, c'est normal. Mais je trouve que ça peinera même à avoir quelque chose de charnel dans la batterie et ça manque un petit peu. Beaucoup, beaucoup d'orchestrations qui sont plutôt réussies. Une ambiance singulière qui va se dégager de cet album, dissonance et glaçant, et au final assez original pour un projet justement de Black Atmo. Il y a une ambiance qui se dégage, qui est un petit peu atypique, et moi j'avais trouvé celui-ci très sympa. Mais j'ai surtout aimé l'album de 2021, je reviendrai après, j'en ai sauté un. Huang, qui veut dire pénurie. Également, Huang, donc ça c'est pour ça que je me suis mélangé, pardon. C'est l'heure, là, ça devient fatigué. Je deviens fatigué. Huang, en fait, ils sortent ce projet-là. C'est un album orchestral qui reprend toutes les orchestrations de l'album précédent. Donc, c'est un album orchestral, tout simplement. Et il est vraiment cool. Il y a des morceaux au violon que j'ai bien aimé, qui sont plutôt appréciables. Ça n'a rien à voir avec du black metal, mais tu as un très, très beau morceau au piano qui s'appelle Yan. Et en fait, c'est reprendre l'orchestration au piano du morceau du même nom sur l'album précédent. Donc, en 2021, il faut noter l'arrivée justement de deux membres, dont le bassiste du groupe Bloody Tyrant. Alors, j'ai écouté un peu parce que le nom, je voyais que ça avait un peu de renommée et tout ça. Et en fait, c'est un projet de folk au sens chinois, du coup. Donc, c'est du folk avec des instruments traditionnels chinois. Du folk Melodes, alors un peu de black metal au début, mais ça deviendra un petit peu plus orienté Melodes après. Ça fonctionne assez bien, j'ai trouvé le projet assez cool, et du coup tu as plein de morceaux avec du pipa, donc un instrument traditionnel chinois, qui est de la famille du luth, et ça te fait un son, je vais pas dire un chavinsen, mais ça te fait un son qui est assez proche de ça, pour ceux qui connaîtraient pas. Et le projet fonctionne super bien, voilà, donc petite promo pour eux, Bloody Tyrant, ça fonctionne également très bien. En 2021, donc j'y arrive, Xiteng, qui signifie se sentir en détresse. Un album bien mieux produit, bien plus saisissant, mais entre guillemets plus accessible, dans le sens où il y a des sonorités plus classiques qui vont, surtout les sonorités atypiques qui vont disparaître par rapport à l'album précédent. C'est plus massif, c'est beaucoup plus étouffant. Et personnellement, bah, je découvre le groupe à ce moment-là sur cet album. Et bah, je l'ai adoré, cet album, je l'ai trouvé très très cool. Et donc là, je me retrouve en 2023 avec la sortie donc, de leur troisième album, Riluo, qui signifie coucher de soleil. C'est très original pour un groupe de Black Atmo. Un artwork que j'ai toujours trouvé très soigné dans l'ensemble de leur discographie. Et bah, celui-ci, je le trouve également réussi. Je le trouve vraiment chouette. On a un chant, globalement, donc sur tout le projet de Lang, on a un chant qui est black, post-hardcore, qui va se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut trouver dans un Harakiri for the Sky. De toute façon, globalement, on va retrouver pas mal de choses qui vont se rapprocher de Harakiri for the Sky. L'album, il gagne en richesse, il y a bien plus de variations par rapport à l'album précédent, il y a bien plus de variations, et surtout dans le chant, il y a une bien meilleure maîtrise du chant, beaucoup beaucoup de travail qui justement, c'est un chant qui peut rapidement être agaçant, ce type de chant que tu as dans Harakiri for the Sky, et je pense au premier album de Deluge aussi, où tu as ce type de chant, il peut très vite devenir très linéaire, et tu t'emmerdes un peu parce que ça manque de variations, et là justement dans celui-ci, je trouve qu'il gagne vraiment en richesse, et bah ça contribue à rendre cet album très agréable à écouter. Puis côté musique, bah, c'est toujours aussi étouffant, toujours aussi écrasant. C'est une musique qui est torturée, évidemment. Vu les thèmes abordés, ça parle quand même de son traumatisme et de la douleur, de la souffrance en général. Des thèmes, certes, assez classiques pour ce style, mais surtout, pour moi, ce qui fait le travail de Lang, c'est ses orchestrations qui sont toujours aussi grandioses et qui font, pour moi, l'identité profonde du groupe. Même si cet album donc, se fait un petit peu plus accessible encore que l'album précédent, qu'il était lui-même un peu plus que l'album avant lui, ça fonctionne bien. On a un projet qui est extrêmement qualitatif dans une région du monde où on n'a pas grand-chose qui arrive. J'ai regardé un petit peu là, les statistiques sur l'île de Taïwan. C'est 113 groupes pour 23 millions d'habitants. En France, on est quand même à plusieurs... on doit être à 5000 ou 6000 groupe référencé pour 70 millions d'habitants, la proportion n'est pas du tout la même. Et voilà, on a un projet qui vient de là-bas qui est très qualitatif, donc je trouvais ça intéressant de le remettre en avant. Tout à fait. Alors la richesse, l'inspiration musicale de Lang, c'est vraiment intéressant de la retrouver dans cet aspect très très très introspectif et personnel, parce que en lisant les quelques lignes qui ont amené du coup le fondateur de Lang à retranscrire son traumatisme suite à cet accident par la musique, fait de Lang un groupe post-traumatique black metal. Il parle d'un groupe de terreur black metal par rapport à ce que ça lui a évoqué en tant qu'individu, son histoire personnelle. Donc ça va transcender un peu les notions de tourment, de torture mentale, etc., de tout ce qu'il a pu vivre suite à ce terrible accident. Et voilà, tout ça c'est sublimé par les orchestrations grandioses qui déroulent morceau après morceau. Tout à fait. Riluo, donc, ce troisième effort studio de Lang est déjà disponible. Une autoprod toujours, et on s'écoute le morceau Bao You, titre d'ouverture de l'album. Tout à fait. N'ayant aucune inspiration vraiment d'un morceau parmi les autres, je me suis dit qu'en fait, il fallait juste proposer une introduction pour permettre aux gens d'écouter l'album en entier, parce que c'est évidemment un album qui s'écoute en entier, tranquille, posé avec un casque. Show. dernière doublette dans l'émission de ce soir, et puis après on s'écoutera un groupe tout seul. Condemned, tout d'abord, le groupe de Brutal Death américain qui nous sort un très très très très bon nouvel effort studio. Condemned, qui était un petit peu passé sous silence depuis quelques années, gros changement de line-up, tout refondu autour du guitariste membre d'origine, hein, Steve Crow. Voilà, énorme ménage dans le line-up. Il a recruté une équipe ultra solide et ils nous sortent là Daemonium, un groupe de Brutal Death aux accents assez démoniaques dans l'approche, hein. C'est très très sombre dans les thématiques musicales et dans l'ambiance globale. On est un peu sur du Vital Remains sans le côté épique. Condemned Infernal Legions of Amon, le titre qu'on va laisser écouter de l'album Daemonium déjà sorti chez Unique Leader. Fortid, ensuite, le groupe de black metal qui nous vient d'Islande. Nouvel effort studio intitulé Narcissos. Ça sonne plutôt grec, mais bon. Voilà, ce nouvel effort studio, j'ai une bonne discographie pour Fortid. Hein. Il est déjà dispo et on s'écoute le morceau Elitskal Med Ilu Djalda. C'est parti, Condemned Fortid. On va s'écouter un autre titre, Tempers Fray, excellente formation. J'ai la cannelle qui passe de travers. Hardcore, death hardcore qui nous vient d'Angleterre, Tempers Fray. C'est ultra vénère et hyper dynamique sur la durée de ce premier véritable album. À s'écouter de toute urgence, Return to the Earth. C'est bien old school en plus dans le visuel. Et on s'écoute le morceau Force Fade. Et puis juste après ça, on enquillera bien sûr avec un traditionnel petit titre de Noël. Sur ce, excellente fin d'écoute à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain et le dimanche d'après sur nos pages. Hein, on vous mettra un peu ce qu'on vous a préparé à diffuser. Et puis, retour de l'émission en vivant et en direct le dimanche 7 janvier 2024. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous et rendez-vous en janvier. Ciao, ciao. glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia.